J'ai travaillé, quand je suis sorti du collège, j'ai travaillé avec mon père un certain temps, en collaboration avec mon père. D'abord fait mon apprentissage pour savoir comment on faisait les C'était chevalets. long Et de... puis alors, oui, c'est long parce que on ne croirait pas, mais c'est assez délicat le chevalet. Pour faire un chevalet potable, il faut vraiment respecter des normes, une précision, Ah oui. une grande précision dans le travail, parce que c'est très important pour la sonorité, pour la qualité du cheval. Oui.